Bonsoir petits et grands, et oui c'est pas mucho le barjo, c'est la machine à son. Et oui, désolé l'émission précédente d'avoir coupé un petit peu sauvage, mais c'est comme ça, la machine à son, c'est que les sauvages. Et surtout ce soir, et oui ce soir, c'est parti, parce que là le professeur c'est bon, il est reparti. Hein. Donc j'ai retrouvé comme chaque semaine, il y a peu, histoire de préparer le plus scientifiquement possible cette émission, comme à chaque fois. Et quelle n'a pas été ma surprise de voir le professeur. La dernière fois, je l'avais quitté, il avait les gros lots et puis l'habit du fou médiéval. Là, non, il est habillé super smart et tout. Et il me dit, oui, j'ai ressorti tous mes habits quand j'avais 18 ans. Voilà, parce qu'il ressent un glissement temporel. Alors, vous voyez ce que je veux dire, un glissement temporel. Bon, chez le professeur, ça peut être assez courant, mais là, ça a l'air sérieux quand même. Magnitude élevée. En fait, il pense qu'il va... Voilà, qui va se passer un truc étrange, une espèce de phénomène pas très normal, et qui va le projeter en février, mars ou avril 66. C'est pas trop le mois, mais c'est à peu près l'année. Donc un truc dans le genre, quoi. Et du coup, il s'est sapé comme un prince. Pantalon, coupe italienne, veste, petite veste en lin cintré, joli sous-pull, magnifique petit sous-pull, très, très fin. Hein, oui, c'est un dandy quand il veut quand même. Hein. Et puis avoir une belle chemise qui pète aux yeux et fait même un peu mal aux yeux. Et puis ben, évidemment, ces jolies petites boots bien cirées pour une fois. Et oui, c'est la classe. Parce qu'en fait, voilà, son délire, c'est qu'en fait, si le glissement temporel il y a, eh bien du coup, il préfère être habillé comme il faut, façon 66, février, mars ou avril, et de façon à passer un peu inaperçu. C'est vrai que c'est pas bête en fait son idée quoi. Parce qu'en fait voilà, le fond de son idée ce soir c'est eh ben, d'aller on va dire chez les comment il appelle lui, les yeah. Ni les tam-tam de yeah. Ni les gris-gris que tu portais, Dadou Ren-Ren que tu écoutais, au bal doum-doum où tu dansais. Non, rien n'aura raison de moi, j'irai te chercher ma Lolita chez les yeah-yeah, sous les tam-tam de yeah-yeah-yeah. Je fais du ram, dam, je me connais. Oui, à sing, sing, je finirai. J'ai un coupe, coupe, à cran d'arrêt. Non, rien n'aura raison de moi. J'irai chercher ma Lolita chez les yeah. Sous les tam, tam de yeah. Fais un flashback au temps passé. Est-ce que t'entends ce que je te disais? Je suis fou, fou, fou de t'aimer. Mais rien n'aura raison de moi. J'irai te chercher ma Lolita chez les yeah. Ni les tam, tam du yeah. Ni les gris, gris que tu portais, Dadou Run, Run que tu écoutais, au bal doum, doum où tu dansais. Non, rien n'aura raison de moi, j'irai te chercher ma Lolita chez les yeah. Sous les tam, tam de yeah. me connais. Oui, à sing, sing, je finirai. Je comprends pas ce qui vient de se passer. Il vient de se passer un truc assez extraordinaire. Pendant le début de ce morceau, il s'est passé comme une sorte de vibration, vous voyez, à l'intérieur du studio. Et d'un coup, petit à petit, le professeur s'est mis à disparaître par les pieds, tout doucement, avec un grand sourire. Il m'a dit, tu vois, mon pressentiment était bien réel. Quand je reviendrai, je te raconterai l'histoire de ma vie en 1966. Well, I'll get that girl, that diamond ring. Well, money never brings, well, I'll je m'ennuie. Je suis jaloux de tout ce temps que tu es sans moi. Moi, je veux que toutes ces heures ne soient qu'à moi. Le jour, la nuit, le jour. Le jour, la nuit, le jour. Le jour, la nuit, le jour. Alors là, je suis bien embêté quand même. Le professeur ayant disparu, transporté dans le temps, va falloir que je me débrouille un petit peu tout seul. Il y a un petit côté, je sais pas, ouais, c'est bizarre. Hein. C'est comme si on avait une petite malédiction dans la machine à son. Il se passe toujours des trucs étranges. Ça va être un plan de Satan, ça. Ouais. Il est con. Hein. Quoique, il. On dit toujours il, Satan, mais en fait, on n'en sait rien. C'est peut-être une meuf. Hein. We'll be right back. Charlie, Charlie, start shaking. Yeah. Woo! Yeah. Alors j'ai une petite nouvelle du professeur quand même, parce qu'en fait il est malin, comme il est reparti là-bas, et bien à la fin d'un morceau qu'il y avait tout à l'heure, mais bon moi je l'ai coupé avant pour mettre autre chose, et bien j'ai entendu qu'il avait enregistré un truc. Donc ça veut dire que le professeur a réussi déjà d'une part à aller en 1966, et en plus à rencontrer les mecs avant qu'ils fassent le disque et à leur dire voilà j'ai un truc à dire à mon pote. C'est une histoire de malade. Si j'avais bu que du thé, je me demanderais quand même ce qui se passe. Ça veut pas dire grand chose ce que je viens de dire. Hein. Oh, ah, ah, ah. oh, oh, ah, ah. Oh, wow. Doll I can't forget, smoking on a cigarette. In my life a real queen, prettiest thing I ever seen. Uh-huh. You're the one who makes me sing, bring happiness in everything. You're the only real one, a real way to have some fun. Uh-huh. But I don't know your little doll. I don't know your little doll. Come on, shake. Come on, shake. Come on, shake. Your little doll. Shake. Your little doll. Come on, shake. Come on, shake. Come on, shake. Little doll. Quand même. ça porte un peu à réflexion tous ces morceaux. C'est vrai, c'est quand même un peu étrange. Le mec, il doit forger l'esprit. Non, mais sans déconner, ils se prennent pour quoi, quoi. Parce que bien sûr, bah, les femmes n'ont pas d'âme, c'est bien connu. Il faut les former. Come on, show it with me, yeah. When you Hop, me revois lui. Excusez-moi. Et non, c'est que. Hop, là, c'est n'importe quoi. Et oui, le professeur même. Combien. J'arrive plus à calculer, là, je suis perdu. 50 et quelques années de distance arrive quand même à me perturber et à foutre le bordel en 2024 pendant la machine à son. C'est quand même. Ouais, c'est un mec assez incroyable. Hein. J'avoue, je suis assez content d'avoir travaillé avec lui. Bon, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'en fait, parce que petit à petit, je me mets à réécouter toutes les fins de morceaux. Vous savez, là, quand c'est terminé, que le bras, là, tout. Et bien, en fait, je m'aperçois qu'il y en a plein où maintenant, il y a quelque chose. Il y a un petit message, un petit bout. Donc, je note. Et en fait, il me laisse des messages pour les prochaines émissions, pour m'expliquer un peu les morceaux qu'il faudra mettre et tout ça. Bon, j'espère qu'il va quand même revenir, parce que bon, sinon, ça risque d'être un peu lourd. Alors là, j'ai cru comprendre que sur ce des Beatles, il se lâche. On verra bien. Thank you. quiet. She came to me a 13 or so now. Lay back on the couch. Je vais être obligé de vous couper ce fantastique Sweet Gina, Things to Come. Et avant eux, vous aviez eu Satan Breed, Heavy Balloon, super bien ça, Heavy Balloon, qui se moque un petit peu des Beatles, ça fait du bien de rencontrer des confrères. Les Monks, les Yetis, enfin Los Yetis, pardon, Los Psychos, The Lizard Boy, The Nervous Breakdown, The Stooge, Kim Foley, The Fifi for Plus 2, les Banshees, les Escorts, The Arrogant, Baronen and Baronen Satan, ou je sais pas quoi, enfin j'ai rien compris au titre, les Lionceaux, Unrelated Segment, The Creeps et Serge Gainsbourg au tout début avec ses histoires de yé-yé que nous avions transformé avec le professeur en yé-yé, mais bon voilà, le professeur a disparu. Alors je réexplique, pour ceux qui n'auraient pas bien compris dès le début, le professeur en fait a été aspiré par une espèce de comment on peut dire, un déplacement temporel ou je sais pas, une distorsion dans le temps et un glissement temporel, voilà c'est ça qu'il m'avait expliqué, et il a été aspiré directement vers 66 et des poussières, on sait pas trop le mois, et depuis il me laisse des messages sur des disques qui sont enregistrés au fur et à mesure de son périple, donc il va rencontrer les groupes comme il sait à l'avance, c'est une encyclopédie ce mec, hein, il sait tout, il sait où ça a été enregistré, dans quel studio, quel jour et tout, donc il y va et puis il explique l'histoire et il envoie des messages pour le futur, donc c'est quand même la grande classe, la machine à son. Eh ben oui, vous êtes chanceux. Donc sur ce, ben bonne nuit, profitez bien de cette nuit qui peut-être sera courte, peut-être sera longue, en tout cas qu'elle vous soit bonne, reposante, et voilà. Et puis le professeur, ben on va voir si la semaine prochaine ou dans les semaines à venir, il revient de ses temps immémoriaux. C'est possible ou c'est pas possible. Bonne nuit.